5e division, D5. On me retire les entraves, des chevilles. Et je gravis sous escorte les escaliers jusqu'au 4e étage. Tout est grand, propre, désinfecté, ripolliné, dans cette tôle dont l'architecture évoquerait un hôpital ou un complexe scolaire. Si ce n'était les barreaux et les grilles qui cloisonnent ici et là les bâtiments en section. Et puis, les surveillants n'ont pas l'allure de docteur ou de professeur. Vraiment pas. Au 4e et dernier étage, nous passons quelques grilles. Et je reconnais aussitôt le couloir où nous nous trouvons, sans jamais y être venu. J'ai tant eu à les connaître ailleurs. Dans ce couloir. Dans ce couloir s'alignent derrière cette grille une vingtaine de cellules. Devant certaines sont posés des vêtements et des chaussures. Le silence règne. Pas un éclat de voix qui signifierait une présence. Je sais pourtant que règne derrière ces portes une tension comparable à celle du ressort d'acier à la limite de la cassure. Le béton armé tient en joue ses haines que les grilles et les ciments enchaînent. Dire ton nom et le vomir par là même. Je te dégueule, QHS. Crois-tu que ce sont les cadres qu'on envoie en prison ? Nul n'est censé ignorer la loi, mais il n'est pas admis qu'on ne la comprenne pas. Déjà dans la marge et du rouge crayon, déjà au plus jeune âge, on lisait « punition ». Chahut et bavardage avec les camarades, attention ! Nous étions 5, 10, et parfois même une quinzaine, pour qui le refus consistait aussi à combattre le hasard. Le rêve est souvent une réalité imagée ou un désir réalisé. Que de désir alors à bâtir des réalités susceptibles de bousculer le conforme et le rendre moins étroit. Quelle ardeur à vivre nos idées, nos critiques, l'insouciance aussi. Vivre quoi ? On se bat pour ne pas étouffer, pour pouvoir regarder le monde en face. On se bat pour l'oxygène des astres, pour rendre à la fillette son cerceau d'insouciance, pour extirper la main nègre de la gueule d'acier. On se bat pour faire fleurir une orchidée nouvelle. On se bat pour abattre les murs qui dévorent les germes du printemps. On se bat pour vivre sans remords avec d'autres vivants et pour couvrir les morts d'un semblant de mémoire. On se bat pour tatouer l'azur à l'encre d'espérance, lutter ou bien crever. La note translucide résonne tel un tambour de fonte. La lutte ou la honte de n'être qu'un reflet sur les mailles du temps. On se bat comme on aime, éperdu, maladroit, le corps broyé de fièvre et le cœur insoumis, sans se soucier des piques, des juges et des lois, pour soutenir le pas fatigué de la nuit. Une sœur étourdie par les fumées du sang, les brouillards incendiés qui masquent le soleil. On se bat pour sauver le rêve incandescent de ce môme, perdu au bord de l'arc-en-ciel.